Bonsoir, on est en direct de MTC avec le Rav Maimon Pinto et nous allons faire la paracha ce soir de Mishpatim et on est le 21 février 2014 et le 22 Shvat 5774 et ce cours est pour les Ludinishma de Rosalie Batourida et de la Refoua Shelema de Yael Bat Rosalie et de Nissim Ben Aviva. Yael, Natachem, bonne soirée et bon cours. Parce qu'il y avait un garçon qui a disparu. On est en train de le chercher. Il vient de rentrer de Miami. C'est avec le chiot. Ok, et ça c'est la première paracha, hein, d'ailleurs, après Matan Torah. Oui? La semaine passée, on avait Matan Torah, Parashat Yitro, et on se trouve dans Parashat Mishpatim. Les Mishpatim, c'est les lois civiles. On voit beaucoup de lois civiles dans la Parashat. Ce qui est intéressant, au tout début de la Parashat dit « Yelam Mishpatim, Asher Tassim Lefaneem » et voici les ordonnances que tu mettras devant eux, etc. Et la Torah, elle commence tout de suite « Kitikne Eved Ivri » quand tu achèteras un esclave juif. Ou quand tout le monde sait quand est-ce qu'un juif peut devenir un Eved Ivri. Dans quel cas? Un Eved Ivri, c'est quoi? Un esclave. Il a repayé quelque chose. Si tu achètes un serviteur juif, bon, on ne va pas l'appeler un esclave. On l'appelle ici, je vois ici, ils interprètent serviteur. Bon, c'est pour être un peu plus politically correct. Mais serviteur juif, comment est-ce qu'un juif il peut devenir un serviteur juif? S'il a fait une transporte. S'il a fait par exemple. Alors voilà. Si par exemple. Non, s'il a tué. S'il est tué, s'il a tué, il est. Il est Mita. Il n'a pas de quoi payer, c'est tout. Alors, il est oui, ça c'est s'il était Shogel. Un juif, il devient un Eved Ivri, un serviteur juif. Parce qu'il a volé, par exemple. Il a volé et il ne peut pas repayer. On lui dit, bon, voilà, tu as volé une somme d'argent. Puisque tu ne peux pas payer maintenant, tu vas devenir un serviteur pour la personne à qui tu as volé et tu vas le repayer. S'il a l'argent retourné, c'est sûr qu'on sait, la Torah nous dit, il faut qu'il paye double le montant, etc., dépendant de la chose qu'il avait volée. Mais ça, c'est un cas comment il peut devenir un Eved Ivri. Ou, par exemple, il peut devenir un serviteur juif en se vendant lui-même. S'il se vend lui-même, par exemple, une personne qui n'a pas les moyens de maintenir et de donner à sa femme et à ses enfants un logement, etc., il peut se vendre comme un serviteur juif. Maintenant, en se vendant en serviteur juif, son maître devient aussi responsable pour sa femme. Sa femme, elle ne vient pas avec lui pour être une serveuse ou un serviteur, mais le maître devient responsable pour nourrir sa femme. Et on voit ça dans la paracha elle-même, que le maître doit nourrir sa femme jusqu'au temps que lui devient libre. Alors, tout de suite, la Torah nous a dit qui alors 6 ans, mais non, les 6 ans qu'il doit travailler, c'est pas nécessairement les 6 ans. S'il a volé pour une telle somme d'argent, il va travailler pour cette somme d'argent, etc. Après, il va être fini. Mais les 6 ans, s'il doit travailler, on suit l'année de Yovel. Ça veut dire, si le Yovel il tombe. Excusez-moi, la Shemitah. L'année sabbatique, oui. L'année sabbatique, ça veut dire si l'année sabbatique c'est d'ici de 4 ans, alors l'année sabbatique devient automatiquement libre. Oui. Qui t'ikne? Qui t'ikne avait libre? T'ikne, ou l'or entelikne? Hein? Ou l'or entelikne? Ou l'or entelikne? L'or entelikne? Mais Adon? Adon? Est-ce l'or entelikne? Dans le deuxième cas, non, dans le deuxième cas, il a. Il est en train de dire que Kitikne, ce qu'il a pas de, il a pas de, il peut, il peut acheter. Il voulait pas acheter. Qui le maître? Le maître. Non, mais dans le deuxième cas, il peut. Non, le premier cas, c'est bien, il peut. ici, l'achat tikné, c'est l'achat akir. C'est pas juste acheter, mais c'est d'acquérir quelqu'un. Il devient un kinyan. C'est une acquisition que le maître il a sur le serviteur juif. Maintenant, on se demande tout de suite une question. Juste après la paracha de la semaine passée, qui est Matan Torah, on voit, paracha de Mishpatim, on nous parle de serviteur juif. Quel rapport ? Il y a un rapport. C'est quoi un rapport ? Matan Torah, on est serviteur de la Kadosh Baruch Hu. Et là, on passe, il devient serviteur d'un humain. Oui, très bien. Ok, c'est un lien très intéressant. Les peuples juifs, ils étaient esclaves dans le temps de Yetzia Mitzrayim. Et maintenant, c'est des esclaves à quoi, Hachem ? C'est illogique. Oui, mais maintenant, après Matan Torah, on devrait nous parler des choses pratiques. Les serviteurs, c'est quelque chose qui était peut-être moins commun. Le peuple juif se trouve dans le désert. Oui, ils vont entrer en Israël. Est-ce que maintenant, en étant dans le désert, ils ont besoin de ces lois de serviteur? Non. Les lois de serviteur, comme on avait appris maintenant, c'est que si quelqu'un vole, c'est un voleur, il se fait punir par être vendu comme serviteur, ou il se vend lui-même puisqu'il n'a pas les moyens. Mais on sait très bien, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, ils étaient tous riches. Ils avaient tous des biens. Alors même si quelqu'un avait volé, il aurait les moyens de payer. Ou il ne se vendrait pas lui-même. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec ici le... C'est quoi le point ici? Pourquoi on aurait pu nous parler des choses beaucoup plus simples? Par exemple, les Bnei Israël se préparaient à construire le Mishkan. Oui, qui était le Beth Amikdash, juste au temps qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Alors, les lois automatiques, ça aurait été peut-être Shabbat, les lois de Shabbat, les lois des Chagim, les lois des Korbanot. Des choses beaucoup plus pratiques. Alors les Mefarshim, ils expliquent que il y a une connexion et un lien très fort entre Matan Torah, le chidouche de Matan Torah, la nouveauté de la Matan Torah, et la mitzvah, le lien de serviteur juif. C'est quoi le lien ici? On trouve quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous pouvez trouver une mitzvah où on trouve la récompense de la mitzvah tout de suite? Une mitzvah dans toute la Torah. Ou la punition. Est-ce que on peut trouver une mitzvah qui a un lien aussi avec la récompense de la mitzvah? Punition, on en connaît beaucoup. Oui, mais c'est quoi le lien de la punition? Par exemple, quelqu'un qui a tué et il se fait tuer. Hein? Quelqu'un qui tue, automatiquement, réhabita. Hazak. Donc il n'y a pas de... Hazak. Est-ce qu'il y a des autres? Il y a des autres. Kibbout Avaim, par exemple. On avait parlé de ça. Shabbat. Arichut Yamim. Ok. La Torah nous dit quelqu'un qui pratique le respect de ses parents, il aura une Arichut Yamim. C'est quoi le lien? Est-ce qu'on peut trouver un lien de Kibbout Avaim à Arichut Yamim? Non. Aucun lien. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui, par exemple, qui est Khayav Malkout. Oui, quelqu'un qui est Khayav Malkout, quelqu'un qui a mangé une Evela, Chas v'Shalom, où il a mangé de la viande ou un poisson qu'il n'avait pas le droit de faire, autant quand il y avait le Beth Amikdash, etc., il recevait 40 coups de fouet. C'est quoi le lien? Il n'y a aucun lien. Le lien de la punition entre la Avera n'a aucun lien avec la punition elle-même. Comprenez ce que je veux dire? Si par exemple, on aurait dit quelqu'un qui a mangé des névélotes, on le trempe pendant 40 jours dans un bassin de névélotes et il va s'asseoir dedans. Bon, on va trouver un lien. Mais si on lui dit, on n'a aucun lien avec la mitzvah elle-même. On peut trouver un petit lien. C'est quoi le lien? Il a mangé des névélas en ENA. Ça veut dire qu'il a eu un plaisir. Alors on va le battre. Malkout, c'est Malkout et il enlève tout le plaisir. En fait. Ok, très bien. Alors quelqu'un qui a un head shaker. Non, on peut voir le. Alors je vous donne. Ok, c'est bien. Ok, très bien. Quelqu'un qui va être un faux témoin. C'est aussi Malkout. Oui, mais dans faux témoignage. Oui. Dans faux témoignage. Souvent, c'était lui qui appliquait la punition. Donc, en fin de compte, le lien, à la fin de la journée, il n'y a pas un lien direct entre la punition et les conséquences n'ont pas vraiment un lien direct à la. Il s'avérait que finalement, s'il s'avérait que c'était un Hachider, prenons le cas extrême, Khayabita, il était Khayabita, puisque autant que Hachider, c'est lui qui a appliqué la punition de Khayabita, on le tuait. Ça, c'est Edim Zomimim. On sait bien, ça, c'est l'Edim Zomimim. Mais je vais prendre un exemple aussi. Un exemple que quelqu'un qui a tué quelqu'un, est-ce que dans tous les cas, il est puni par conséquence de le tuer? Non. S'il n'a pas fait exprès, par exemple, s'il était Shogeg, il va à Remiklat, quand on avait mentionné, il va dans une ville qui va être enfermée jusqu'à ce que le Kohen Gadol, etc., il va s'en sortir. Et même dans un cas de meurtre, par exemple, qu'on en parle aussi dans la paracha, la personne ne va pas être tuée s'il n'a pas été averti avant. S'il n'y a pas de ce qui est appelé... Mais qu'est-ce qu'il y a à avertir dans le meurtre? C'est dans l'Esser à Diverot. Qu'est-ce qu'on va avertir Oui. Une seconde. Ne pas tuer, il y a peut-être une punition, mais il faut avoir deux témoins qu'ils ont vus. Et qu'il y a aussi une atra'a. Ça veut dire qu'il faut l'avertir, ne pas tuer cette personne, etc. Mais s'il n'y a pas deux témoins, par exemple, ou il y a un témoin qui l'a vu de ce côté, il a vu. Juste à un cas, si on le prend dans un cas civil, ça ne va jamais partir. Si on voit, la Gemara, elle donne un cas, que par exemple, on voit quelqu'un courir avec quelqu'un avec un couteau, et il rentre dans une chambre, on ne le voit pas. Et tout d'un coup, on le voit sortir avec le couteau dans la main, avec plein de sang. On peut pas le. Il n'y a pas de punition de meurtre. On peut pas le tuer. Ça veut dire le témoignage, le fait qu'on a besoin de témoins, c'est pour le tuer. Du fait qu'il va être puni d'une autre façon, c'est une autre chose. Mais pour le tuer, pour qu'il soit puni, il faut avoir deux témoins. Alors, on voit que la seule mitzvah, peut-être c'est pas la seule. Mais l'exemple qu'on voit tout de suite dans la paracha, c'est le Eved Ivri. Et cette punition qu'on voit dans le Eved Ivri, c'est le lien qu'on trouve dans la paracha, avec Matan Torah. C'est quoi le lien? Le Eved Ivri, on dit que s'il veut rester esclave, par exemple, s'il est rentré, il est devenu esclave, dans le temps, devenir un serviteur ou un esclave, c'était un très grand business. Les gens voulaient devenir même serviteurs, d'une certaine manière. Pourquoi? Oui, mais pourquoi ces personnes ils étaient là? Oh, mais bon, ils recevaient. C'est pas tout le monde qui avait de la parnassa. Dans le temps, il n'y avait pas des bijoutiers et des avocats, etc. Celui qui n'avait pas un bout de terre, un terrain, n'avait pas comment manger. Alors, il devenait un serviteur. En devenant un serviteur, il était promis. On parle d'un serviteur juif aussi. Alors, c'était les Bnei Melachim. Il était promis qu'il allait bien manger, sa femme va s'occuper de lui, et sa femme va s'occuper de son maître, etc. Alors, ce n'était pas quelque chose de très... Mais du fait, la Torah le voit de certaines très très mauvaises. Pourquoi? Le serviteur qui veut rester serviteur, il veut rester esclave. Après 6 ans, jusqu'à 7 ans, l'année sabbatique, il sort. Et c'est Yachovji. Maintenant, lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas, il veut rester. Je suis bien avec mon maître. Mon maître s'occupe de moi très très bien. Je veux rester serviteur, etc. Qu'est-ce que la Torah nous dit? On lui perce l'oreille. On le prend à côté de la porte. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Alors c'est ça. Alors la Torah elle dit comme ça. Pourquoi l'oreille et pourquoi la côté de la... Hein? Bon, à côté de la maison, on peut comprendre. Ok. Alors la Torah elle dit comme ça. Le Midrash il explique que on lui dit Ozen Sheshama, l'oreille qui a entendu Li Avadim Atem Bnei Israël, que les Bnei Israël sont les serviteurs de Dieu. Cette même oreille qui a entendu ce commandement de la Torah, elle est partie devenir un serviteur d'un autre serviteur. Tous les Bnei Israël, c'est des serviteurs à Hachem. Et lui, au lieu d'être le serviteur du grand maître, qui est Hachem, il décide d'être le serviteur du serviteur. C'est pour ça qu'on le met à côté, on lui perce l'oreille. Il refuse ses responsabilités. Il est partout de certaines mitzvot. Il a presque comme un statut d'une femme. Il peut marier une goya. Elle, il est partout. Toutes les mitzvot. Il peut se marier avec une goya aussi. Eh ben, une chifra kénanite, un serviteur qui n'est pas juif. Et c'est les enfants de cette chifra. Ils vont être des esclaves pour le maître. Deviennent des esclaves pour le maître. Lui, il a rien à voir. C'est comme un. Un business d'esclave, c'est en sorte, c'est un business d'esclave, lui il devient un esclave, les enfants ils deviennent esclaves. Alors d'ici, on voit que c'est une punition qui a un lien direct, qui a un lien avec la punition. Excusez-moi, les enfants de... Hein? Avec la faute elle-même, excusez-moi. Ils deviennent esclaves à vie alors, ces enfants-là. Oui, donc. Il n'y a pas de shemitah, il n'y a pas de. Si c'est un serviteur kenani, oui. C'est marqué par Abadou, il y a aussi la Torah nous explique ça. Quel rapport il y a par rapport à nos enfants 2013-14 Quel rapport Quel est le rapport de ça? Si nous explique ça, comment on va parler de ça, exactement. Comment on met ce problème aujourd'hui? Oui, on va en parler, et c'est ça qu'est-ce qu'on va en parler. Alors, on voit d'ici, je vais juste finir avec ce point, on va passer au point de ce que M. Azoulay doit. Alors ici, qu'on voit que c'est une mitzvah qui a un lien avec la faute elle-même. Le serviteur lui-même, il est puni de façon qu'il y a un lien avec la mitzvah. Puisque tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit à Har Sinai, on va te punir à Ozen Shelosh Amada. La punition, il y a un lien tout de suite. Et ça, c'est un lien avec Matan Torah. C'est quoi le Matan Torah? Qu'est-ce qui est arrivé à Matan Torah? Matan Torah, on voit qu'il y avait plusieurs mitzvot, oui. La Matan Torah, elle est venue pour nous donner une force. Avant Matan Torah, les choses... M. Belisha aujourd'hui m'a appelé, il m'a demandé une question sur les téfilim. On avait parlé de ce sujet plusieurs fois. Mais avant Matan Torah, il y avait une certaine séparation avec le monde physique. On avait parlé de ça plusieurs fois. Le monde physique et le monde spirituel. Ça, c'est avant Matan Torah. Ça veut dire que les mitzvot, on a parlé plusieurs fois, que Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont pratiqué tous les mitzvot. Avant Matan Torah, avant que la Torah ait été donnée. Mais les mitzvot qu'ils faisaient, c'était de façon spirituelle. C'est-à-dire, chaque juif, quand on met les tefilines, il y a certaines choses qui sont faites spirituellement qu'on ne voit pas maintenant. Et les Chachamim nous expliquent que à les Yemot HaMashiach, on va voir tous les récompenses et le résultat de tous les mitzvot qu'on avait fait dans ce monde. Mais quand on dit spirituel, c'est-à-dire, on pense au tefilin, mais c'est comme il est là, quand on voit, c'est ça. Le Midrash, il dit que Yaakov, il a pris des bouts de bois. Et il les a attachés autour de sa main, et ça, c'était sa mitzvah de tefilin. Ensuite, il les jetait. Après, il les jetait. Mais il n'y avait pas. Ça, c'est avant Matan Torah. Mais il n'y avait pas d'écriture. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce qu'encore, vous comprenez très bien que les mitzvot, ils représentent quelque chose de spirituel. Oui, le Rambam, par exemple, dans Moren et Vuchim, il rapporte que même tous les raisonnements de tous les mitzvot qu'on trouve dans chaque mitzvah, c'est pas le vrai émettre de tous ces raisonnements. C'est l'exérot. Les mitzvot, c'est le vouloir d'Hachem. Bon, chaque mitzvah, on trouve une raison logique, etc. Mais la vraie mitzvah et le émettre, le raisonnement de la mitzvah se trouve chez Hachem. C'est juste au temps de Mashiach qu'on va vraiment être révélé les vrais raisonnements de chaque mitzvah. Vous suivez? Alors, ça c'est avant Matan Torah. Le Midrash dit, avant Matan Torah, Bnei Surya lo yordim lemal, Bnei Drom lo yardu lemata. Ça veut dire qu'il y avait cette séparation entre le monde physique et le monde spirituel. À Matan Torah, Hachem il nous dit non. Il y a ce lien et cette connexion avec le monde spirituel et le monde physique. Par exemple, après Matan Torah, on peut prendre une vache, une tête d'une vache et on la transforme. Comment est-ce qu'on fait des téfilim? Vous savez très bien, on prend la peau de la tête d'une vache, on écrase, on fait des formes, etc. Et c'est les téfilim qu'on fait. Maintenant, est-ce que ces téfilim, on peut les prendre et les jeter? Chas v'shalom. Après que ces téfilim, on les a utilisés pour quelque chose de goucha. Non, mais après qu'on les porte, s'ils sont cachers toujours, oui. Certainement pas qu'on peut les jeter. Non. On ne peut pas prendre un Sefer Torah et l'utiliser une fois et le mettre Chas v'shalom. Ça veut dire que quoi? Que la spiritualité, elle est imprimée dans les choses physiques. On a pris quelque chose qui est physique. Cette chose physique, ce livre, ce papier, on aurait pu l'utiliser aussi pour écrire des choses qui n'ont pas de Gdusha. Ça veut dire que les choses physiques et la spiritualité sont devenues quelque chose d'intégral. Ensemble. Il n'y avait plus cette séparation. Et de même, on voit qu'il y a aussi les récompenses. Quand Hachem a donné, on dit Imbechu kotai telechu, venatati gishmechem. Oui, la Torah nous dit si vous allez aller dans le droit chemin, Hachem vous a donné une récompense. Une récompense physique. Pas juste une récompense qui est juste spirituelle. Une récompense physique dans ce monde. Vous aurez une bracha. Alors on voit qu'ici, avec la mitzvah elle-même, il y a un résultat physique qui se donne dans le monde. Et ce lien a été fait à Matan Torah. Oui. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, si oui, c'est, oui. C'est vrai. C'est que quand Moshe a venu monter à Mont Sinaï, il est resté 40 jours, non? Oui. 40 jours et 40 jours. Oui, oui. Et c'est là où il a écrit le 10 commandements, non? Et quand il est descendu, quand ils disent que les 40 jours représentent comme une naissance d'un bébé qu'il a 40 jours pour se former dans le ventre. C'est-à-dire du ouais. corps, c'est-à-dire le corps, les mains, les doigts, tout le corps. Et à partir de 40 jours, il commence à grossir. On sait très bien que... C'est-à-dire qu'avec la création, c'est-à-dire avec la Torah, c'est-à-dire ils disent comment c'est fait 40 jours, le bébé, la naissance. C'était le procès de la naissance de la Torah, vous voulez dire. Voilà. On sait très bien que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se confondent. Quand dans Parashat Yitro, c'était pas les louchot, hein. On n'a pas reçu les louchot. C'était pas la première. On n'a pas reçu les louchot quand Hachem il a donné les 10 commandements. Il n'y avait pas de louchot encore, hein, les amis. Il n'y a pas les tablettes, hein. Il les avait, mais quand est-ce qu'il les a eus? Les 10 commandements quand Hachem il nous a donné dans cette paracha. Hachem, on dit que le Midrash il dit que Hachem il a dit les deux premiers, Anochi, Velo Yelecha. Après ça, les Bnei Israël ils ont dit bon. Non, c'est pas encore. Il n'y a pas de louchot encore. Il n'y a pas de louchot. C'est un point historique dont beaucoup de fois que j'ai donné des shurim, les gens qui se confondent avec le temps qu'ils se sont donné. C'est à cause du film. C'est à cause du film, exactement. Regardez, Matan Torah. Jamais. Voilà, hors chronologie. Si. Voilà. Hors chronologie. Quand est-ce que Shavuot? Shavuot, c'était quand? C'est 49 jours après. Oui, mais c'est Shavuot, c'est quel jour du mois? C'est Vav Sivan. Oui? De Pessah jusqu'à Vav Sivan, il y a 49 jours, on en comptait jusqu'à qu'ils ont reçu la Torah. Vav Sivan, oui, ça c'est Shavuot, Matan Torah. Oui. Ça c'est la paracha de la semaine. Aseret Adibrot, les 10 commandements. Après que Hachem il a parlé, et que Moshe il a dit tous les autres commandements, Moshe il monte à la montagne pendant 40 jours pour redescendre après 40 jours pour donner avec les tableaux. 40 et 40. Non, où il y a 40? 49, tu veux dire. 49, de Etziat Mitzrayim. Il a fait 49, ouais. Etziat Mitzrayim, c'est les 49 Shavuot. Jours qu'on compte, oui. Non, le Homer, Ayom, Yom, Rishon, etc. Il y a 3, 4, 4. Oui, ça, c'est le premier. Oui. C'est le premier. Non, jour, oui, deux fois 49, 40. Il n'y a pas de 2 fois 40, il n'y a pas avant de 3 fois 40. Compté, la première fois, il a donné. Les amis, encore. Pessah, c'est Etziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte, oui. les Bnei Israël, ils ont compté, excusez-moi, 49 jours, qui est le Omer, Ayom, Yom Rishon, la Omer, Jérou, oui, etc., Ayom, Yom Sheni, la Omer, etc. Jusqu'à Vav Sivan. Mais excusez-moi, en fait, on ne manque pas quelque chose dans le calcul. Oui, Israël, ils sont arrivés à Har Sinai, il y a eu quoi, 2 semaines, combien de temps? 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a en train de faire? Désert. Jusqu'à 49 jours. 49 jours. Et de ces 49 jours, combien de temps il a monté? Je vais aller étape par étape parce que je. Ok. Alors, de tête va encore. Je vais donner les dates en français un petit peu. Le 15e du mois de Nissan, qui est la sortie d'Égypte, si on va jusqu'au 15e de Iyar, c'est 30, plus on continue jusqu'à Sivan, c'est 49 jours. 49 jours, et bien Israël, il se prépare pour recevoir la Torah. Moshe, il monte dans les ciels, Vav Sivan, le même jour lui-même de Shavuot, le même jour de Matan Torah. Vav Sivan, si on compte 40 jours, qui reçoit les tablettes. Mon cher Abel. Vav Iyar plus 10, ça fait 16 Iyar. Pourquoi 10? Non, une seconde, on est à Sivan. Après Sivan, c'est quoi? Nissan Iyar. Tamouz. Yudzain Betamouz. Qu'est-ce qui est arrivé à Yudzain Betamouz? Oui, c'est un jeune. Yudzain Betamouz, c'est un jeune. C'est le jeûne que c'est la première fois que les Romains sont venus, pas les Grecs, les Romains. C'est deuxième. Oui, c'est ça, le siège de Jérusalem, c'est le début. Hein? C'est Yudzan Betamouz, Masechet Ta'anit dans la Gemara, il dit Chamisha dvarim iru leavotenu be Yudzan Betamouz. Echad mihem nishtabru aluchot. Mon cher Rabbeinu, il redescend, 40 jours plus tard, il voit le veau d'or, etc. Maintenant, ça c'est les premiers tablettes. Qu'est-ce qui arrive tout ce temps-là? Il y a eu la Avodah Zarah. Tout ce temps. Yudzain Betamouz. Yudzain Betamouz, mon cher Rabbeinu, il s'occupe de tout. Tout ce qui se passe. Tout le mois de Tamouz passe. Le mois de Av, après Av. Oui, après Tamouz, il y a Av. Rosh Chodesh Elul. Mais vous, quand même, nous les séfarades. Nous, les Sépharades, on dit pendant 40 jours les Slichot. Ouais. Pourquoi on dit 40 jours les Slichot? Parce que mon cher Rabbeinu, il est monté, Rosh Chodesh Elul. Et il est redescendu à Kippour, le lendemain de Kippour. Non, 40 jours plus tard, c'est Yom Kippour. C'était à la sortie de Kippour ou à Kippour même? Kippour lui-même. Le deuxième tablette, mon cher Rabbeinu, il descend Yom Kippour. Yom Kippour, mon cher Rabbeinu, il descend. Rosh Chodesh Elul. Kol Chodesh Elul, Ve'asara Bet Tishrei. 30 jours de Elul et le 10 jours. C'était simple, hein? C'est simple. Comment? Ils ont jeûné ou ils ont fait la Simcha? Pendant les 40 jours? Non, quand ils sont descendus. La deuxième fois. Est-ce qu'ils ont jeûné? Ils ont jeûné. Hein? C'était quand même Matan Torah, c'était la fête. Non, c'est fini. Matan Torah, il est fini. Matan Torah a été de Vav Sivan jusqu'à Yud Tishrei, Sivan, Tamouz, Av, Elul. Il y a presque 5 mois. De Matan Torah, encore. Simple, Matan Torah, les premières tablettes et les deuxièmes tablettes. Matan Torah, c'est Vav. Alors, Matan Torah, Sivan. C'est quoi? Le 6e jour de Sivan. Oui. On a reçu quoi? Les premières tablettes, c'est Yudzain Betamouz. Avec le Vaudor, comme mon cher Rabbeinu, il les casse. Et Yud Betishrei, qui est Yom Kippour, c'est les deuxièmes tablettes. Ce qu'on est en train de dire, c'est que Matan Torah, il n'y avait pas de Louhot. Non, il n'y a pas de Louhot. Certainement pas. Mon cher Rabbeinu est monté pendant 40 jours pour écrire les Louhot. Ah, mais la première fois, j'ai un jour, ça. Et étudier toute la Torah. Et pour se préparer pour Matan Torah, est-ce qu'il a dû monter? Non. Non. On est arrivé 49 jours. Non, il était via Aloukoulam et Lahar. Ils sont tous montés à la montagne. Et Hachem, Veirou, et Takolot, et Tabrakim, etc. Et Hachem, il voit tout, etc. Bon, alors, juste je vais venir avec le point. Et ça, c'est le lien qu'on trouve avec le Hevet d'Ivry. Le Hevet d'Ivry, on voit le. C'est le premier exemple de mitzvah quand est-ce que. Ah, il y a un bijou. C'est la grande bête. Alors, le Hevet d'Ivry, c'est la première mitzvah qu'on voit tout de suite le lien avec le résultat du péché, qui a un lien avec le péché lui-même. Et ça, c'était le chidouche de Matan Torah. Le chidouche de Matan Torah, c'est qu'on voit qu'il y a des conséquences. Quand une personne, quand un juif, il va dans le Derech HaTorah, il y a des conséquences. Donc, ça veut dire les choses spirituelles, ils ont une conséquence physique. Et quand il chasse le shalom, un juif, il va pas dans le Derech HaTorah. Et ça, c'était le lien qui a été fait pendant Matan Torah. Le lien avec le monde physique et le lien avec le monde spirituel. Et ça, ça répond à la question de M. Azoulay. Ce qu'on apprend de Hevet d'Ivry, c'était ce lien que la faute elle-même avait avec, et le résultat de la faute elle-même avait avec le Hevet d'Ivry. Et nous, notre leçon qu'on apprend de ça, que nous-mêmes, pendant le temps après Matan Torah, on a la force, ce que même pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient. Tandis qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Midrash, il dit, les mitzvot d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient kerechot. Rechot, ça veut dire juste des fragrances. Mais les fragrances, ils n'ont pas quelque chose de physique. Le juif lui-même, dans le monde maintenant, il peut transformer quelque chose qui est physique et le rendre quelque chose qui est spirituel, qui peut le servir à servir Dieu. Ça, c'est ce que le Hevet d'Ivry nous enseigne. Maintenant, dans la paracha, est-ce que ça parle de Bassar Vechalav? Dans les Israël de Chavadimo, qui connaît la paracha? Monsieur Atias, il la connaît, il connaît par cœur. La paracha, l'Oké de Vachet, donc, il dit Bechalavimo, c'est pas dans la paracha. Mais ce que, pourquoi alors? Moi, je veux parler de Bassar Vechalav. C'est sérieux. Bassar Vechalav, c'est des mishpat, oui. Est-ce que c'est une loi qui est logique ou c'est une chouka? Elle est logique. Pourquoi elle est logique? Non, elle est logique parce qu'elle a été trouvée médicalement. Yeah. Oui, mais c'est pas logique. Mais point de vue de la Torah. Elle est illogique, c'est une chouka. Pourquoi, comment ça a été prouvé? Celui qui mange de la viande. Oui. Et qui boit parce qu'il mange après du lait. Oui. Ça dégage de l'acide. Oui. Parce que la viande stoppe la digestion. J'adore. C'est pour les médicaments. Une seconde. Et attends, mais ça fait pas de sens. Et s'il mange du lait avant, après il mange de la viande. Le lait se dissipe. Ah, parce qu'il se dissipe. Il se dissipe, la viande qui vient après. Est-ce que les sources sont dans le même temps? La viande et la viande dans le lait dans le même temps? Ou après? Cheva Shaot. Shabbat, vous êtes invité. Ma Issou. En même temps, non, merci. Non, c'est bon, non, merci. C'est les deux. C'est les deux. Est-ce que Minatora, c'est juste ensemble. On va parler de ça maintenant. Hein? Là, c'est une procédure médicalement. Oui. Elle a été prouvée, hein? Khazak, mais est-ce que... Comment elle a été prouvée? Oui, très bien. Comment elle a été prouvée? C'est le seul jour de la vie humaine. Oui. De toutes les personnes où le sang coagule très rapidement. Le 8e. Khazak. C'est médicalement, ça. Très intéressant. Alors, on va parler comme ça. Est-ce que le issour de Bassar Vechalav, c'est logique ou pas logique? Alors, je vais vous amener une gemara très intéressante. J'ai écrit ici. Vous allez me dire, vous allez trouver cette gemara hyper intéressante. Ilta, c'était la femme de Rav Nachman. Rav Nachman, hein? Rav Nachman de Non, dans la Gemara. Eh bien, je ne connais pas le nom de la femme de Rav Nachman. Ça existe. De sa femme, je connais. De sa mère, oui, je connais. Ils ont mis un article aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Ils veulent, les Ukrainiens, que les pèlerins payent $100 par jour pour pèleriner. Marchement. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je n'ai pas entendu. Ok, alors il dit comme ça. Alors la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit comme ça. Amar la, il t'a le Rav Nachman. Une seconde, les amis. On n'a pas encore beaucoup de temps. Alors, il t'a, elle a dit comme ça. Amar la, il t'a le Rav Nachman. Il t'a, elle a dit à Rav Nachman. Mirdi, kol de asar la Rachman ashar la gvate. Elle lui a dit. Chaque chose que la Torah nous a interdit, elle nous a donné aussi quelque chose qui lui ressemble, qui est permis. Par exemple, elle lui dit, elle nous a interdit le sang, Asarlan Dama, Sharalan Kavda, mais elle nous a permis de manger le foie. Le foie, c'est du sang, il est plein de sang. Et elle lui dit, Behema, Chelev Behema, Chelev Chaya. Vous savez, dans la vache, par exemple, tout ce qui est Behema, animal domestique, il y a le Chelev. Pas le Chalav. Le Chelev, c'est du gras. Il y a certains gras qui sont interdits de la Torah de manger, comme le guidanaché. Le gras qui se trouve autour du nerf asiatique. Le gras qui est autour, il n'est pas permis de manger. Il y a un gras aussi qui est à côté des intestins qui n'est pas permis, qui est interdit. Il y a certains gras qui est permis, il y a certains gras qui sont interdits. Nous, ce gras interdit, on ne le voit jamais parce qu'on ne le vend pas dans le marché. Donc, en tout cas, avec la cacheroute, c'est tout enlevé. C'est ça le nikour. Le nikour où on enlève tout. Il y a le nikour du nerf asiatique, etc. Ils enlèvent aussi tous les gras qui sont interdits. Vous voyez ? Mais tandis qu'elle nous a interdit le gras de BMA, mais le gras de la chaya, par exemple l'orignal, tout le gras sur l'orignal, on a le droit de manger. Sur l'orignal ? Oui, l'orignal, il est cachère. Il est cachère, oui. Alors, le gras de l'orignal, tout ce qui est gras. Hein ? Tout ce qui est. Hein ? C'est un autre cours. On va parler de ça. C'est un autre cours. Mais en tout cas, c'est pas le point. Le point, c'est que Hilta. Une seconde. Après, elle lui continue, elle lui dit, elle nous interdit de manger du porc. Khazir. Il y a un poisson qui s'appelle Shibuta. Je sais pas, c'est où. Je sais pas, c'est quoi. Je sais pas. Et il dit que le Shibuta, il a du goût de jambon. Le coup de porc, de jambon. On l'a pas trouvé encore. Ok. Etc. L'agma. Et elle lui demande, maintenant, alors elle demande à son mari, Rav Nachman, je veux manger du bassar vechalav. Qu'est-ce qui est équivalent à bassar vechalav ? Le pied de la vache. Hein ? Le pied de la vache. C'est ça. Le pied de la vache. Oui ? Ah, à Dadim. Ça s'appelle. Comment ça s'appelle la dafina? Comment de la dafina? Oui, ils font la dafina. C'est la vache, ouais, ouais, la vache, la dafina. C'est quoi, le dadim ou est-ce qu'il y a le lait? Non. Les mamelles. Les mamelles, excusez-moi. Le pied, les mamelles. Les mamelles, non. Ok, c'est ça, je me demandais. Écoutez, moi, mes parents sont marocains, on n'a jamais vu ça. On a chier aujourd'hui. Le poisson, c'est le turbo. Il n'est pas caché, ça. Le poisson que tu as dit, Shibuta. Shibuta, c'est le turbo. C'est le turbo, mais il n'est pas caché. Mettre un petit point qui est en dehors. Oui. Parce que tout le monde sait qu'il y a des tons cachés et des tons non cachés. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Mais ce n'est pas appelé du thon. Il y a du thon qui est caché. C'est avec un aleph. Non, dans le sushi, les sushis, l'épicier. Je l'ai dit, c'est un poisson. Il y a du thon qui sont cachés. Shibuta avec un aleph. Les thons cachés qui sont les mêmes. Un, il a pas de thon, l'autre, il a le nom de thon. Thon, Ils n'appellent pas ça du thon. Moi, j'étais une fois au marché et j'ai demandé au monsieur, il m'a dit, il y a juste un poisson qui ressemble au thon. Il n'est pas cachère. C'est le thon lui-même. On a eu un cours récemment. Donne-moi, fais-moi un cours. Et faites attention quand vous avez mangé ça aussi. Quand vous avez acheté du thon dans des poissonneries. Il y a une poissonnerie cachée après le vent, lui il est sûr. Parce qu'il y a un thon qui est le même. Ok, on continue. Ok, alors c'est quoi le point ici de cette Gemara? Cette Gemara, on voit que les mitzvot, tous les autres mitzvot, on les pratique spécifiquement parce que c'est pas quelque chose qui sont logique. Parce que si quelqu'un, le maracha, il explique, si quelqu'un va lui demander, voilà, est-ce qu'on peut manger du sang? C'est horrible de manger. Parce qu'il va manger du sang. Si. Les Français sont spécialisés dans le non, ça y est, mais les Français. Ok, c'est bon, mais les Français. Ça, c'est juste. Premièrement, c'est juste les Français. Les Français, ils mangent aussi des pâtes de grenouilles. Et c'est pas tout le monde qui aime les pâtes de grenouilles. Je sais pas comment ça s'appelle là. Des escargots. Les Français, ils sont spéciaux, les escargots, les trucs. Mais normalement, les gens. Chut, une seconde, les amis. Premièrement. Le sang, la plupart des gens, ils sont répulsifs. Les Européens, ils ont ce boudin. Ok, mais la plupart des gens, quand on leur dit du sang, c'est dégoûtant. Alors les gens, ils te disent, oui, mais on n'a pas besoin de la Torah pour nous dire que le sang, il n'est pas bien. Oui, c'est logique, c'est horrible. Alors on te dit, non, mais voilà le kaved. Explique-moi alors le kaved, logiquement. Pourquoi la Torah elle nous dit de le foie, on a le droit de manger, pourquoi c'est pas vrai? Et ça continue à toutes les choses qu'elle ramène ici. C'est-à-dire que les mitzvot eux-mêmes, on ne les pratique pas parce que c'est des xérotes. C'est des xérotes qu'Hachem veut qu'on fasse. Ça, c'est des xérotes de Hachem. Alors, j'ai cherché qu'est-ce qui est concernant la mitzvot de Bassar Vechalav. La Bassar Vechalav, la plupart des poskim, la plupart des commentaires ramènent que c'est une chouka. C'est comme toutes les lois de cacheroute, c'est une loi qui n'a pas de logique vraiment. Comme le chazir. Comme le chazir. Pourquoi le chazir est comme ça? Pourquoi Hachem il a dit qu'une bête qui a les pattes qui sont comme ça, etc. Pourquoi ça va être cachère, ça va être cachère? C'est une chouka. C'est une xéra de Hachem. Ça va avec le manger. Hein? Ça va peut-être avec le manger de la bête. Il y a certaines bêtes. Ils ont des pâtes qui sont cachères. Exactement. Ils mangent des trucs et l'autre, ils mangent autre chose que peut-être nous aussi à cachère. Oui, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'Hachem il décide que ça c'est cachère et ça c'est pas cachère? Ça c'est quelque chose. Tu savais, on disait toujours, il y avait un grand ami Chacham qui disait, la question quand on étudie la Torah, c'est pas l'âme. Pourquoi? Quand on étudie une Gemara, on étudie un din dans la Gemara. La question c'est pas l'âme. Pourquoi? Parce que sur le pourquoi, on n'aura pas. Pourquoi Hachem il veut vraiment que ça soit comme ça? C'est au dehors. Même les choses qui sont logiques, c'est très dur pour nous de comprendre. Mais la question, c'est ma. Qu'est-ce que la Torah nous a commandé? Pas pourquoi la Torah nous a commandé. J'ai trouvé aussi dans le Rambam, à part du fait que la plupart des commentaires disent que c'est une loi qui est logique, il y a certains poskim qui ramènent que. Ils essaient de trouver un raisonnement pour ce visage. Bon, le Rambam, il rapporte dans le Moron Ouvrim qu'il dit c'est une ash'ara, que c'était une coutume des Ovde Kochavim, des Ovde Avodazara. Il y avait une certaine coutume des Ovde Avodazara qu'ils mangeaient du lait et de la viande ensemble, et c'était leur forme d'Avodazara. Et puisque c'était leur forme d'Avodazara, c'est pour cela. Les Bnei Israël, Hachem, il a commandé qu'on devrait s'éloigner de ça. Bon. Et lui-même, il dit que ce n'est pas vraiment le raisonnement. C'est peut-être une achara. C'est peut-être une estimation que c'est pour ça. Le Abarbanel, il va un peu plus loin. Vous connaissez tout le monde le Abarbanel? Rabbi Yitzhak Abarbanel. Oui, en Espagne. Qui était. Alors lui, il dit que. Hein? Oui, c'est Acharoni. Rabbi Yitzhak. Don Yitzhak Abarbanel, on l'appelait. C'était le ministre de. Le plus riche d'Espagne, environ. Mais il était le c'était le ministre en Portugal du roi de trésorier. Et il est de l'économie. Alors lui, après, quand il a quitté, etc., lui, il va un peu plus loin et il dit que il a fait des recherches en Espagne et il a trouvé que vraiment il y avait des gens qui labouraient la terre, ils se rencontraient une fois par année, et quand ils se rencontraient, ils faisaient toute une cérémonie, et dans cette cérémonie, c'était vraiment leur grande cérémonie, c'était de manger de la viande qui était dans une casserole, une marmite de lait. Mais jusqu'à présent, il y a des je ne sais pas dans quel pays, où ils font, je pense en Afghanistan, où leur plat spécial, c'est de la viande dans du laitage. Hein. C'est comme ça qu'ils le font. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils le font. Et je pense en Afghanistan. Quelque chose de très intéressant que Rabbeinu Bechaye lui-même il dit aussi, c'est une loi illogique, mais il dit aussi c'est quelque chose de prévenir la personne du nézek, des dommages, physique. Des dommages physiques. Comme que peut-être M. Azoulay l'a dit un petit peu, il dit comme ça. Le lait d'une femme, la Gemara elle dit Adam ne ekar ve ne esa chalav. Quand une femme quand elle est enceinte. Elle cesse d'avoir ses règles, ses menstruations en 2 mois. Et la Gemara dit que ce sang, il devient du lait pour l'enfant. Ne'ekar adam ve'ne'esa chalav. Et il dit c'est la même chose pour la bête elle-même. D'une façon, ça veut dire que la bête elle a pas un temps de menstruation, mais le lait de la vache, il vient du sang. Alors il dit comme ça. Quand le lait il devient du lait, ça veut dire qu'il a été transformé à une nouvelle entité, une nouvelle chose. Maintenant, si on prend ce lait et on le mélange avec de la viande, c'est comme si tous ces caractéristiques de sang il retournait à sa source. Et il dit quand une personne mange ces choses, il reçoit des mauvais traits, il devient grotesque, etc. Bon, encore, ça c'est juste pour nous donner un petit peu une définition, c'est quoi cette chose. Bon, on sait aussi, le Ben Yishra, il rapporte par exemple, il explique ça selon la Kabbalah, le lait, il représente, c'est blanc le lait, oui, il représente les chassadim, la bonté, et le sang représente la gvoura, la sévérité. Il dit que dans ce monde-là, on ne devrait pas mélanger la sévérité. Ça, c'est un peu kabbalistique. On ne devrait pas manger l'ordre des chassadim, de la bonté, avec la sévérité ensemble. C'est pour ça que la Torah nous a éloignés de cette chose-là. Je vais donner quelques halakhot de halakhot Bassar Bechalav. Est-ce que quelqu'un a une question sur Bassar Bechalav avant que... On n'a pas le droit de manger avec le lait. Je peux poser une question sur le lait de la viande. Non. il sait très bien qu'on n'a pas le droit de le manger. Là. Non. Non. C'est... non. Ok, je vais vous demander quelque chose. Quelqu'un qui mange des vitamines, par exemple, qui sont de produits laitiers, qui sont de d'animal, qui sont des produits de viande. Est-ce qu'il peut y boire du lait après? Qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas le droit. Oui, il a le droit. On parle de stéroïdes. Hein? On parle de stéroïdes. Stéroïdes? C'est quoi des stéroïdes? Pas des trucs animaux. Ils font de la musculation. Non, il y a beaucoup de médicaments. Ils sont en base animale. Bien sûr. Ils sont en base de les os des animaux. Mais oui. Ah oui? Oui, bien sûr. Il y en a plein. La gélatine, c'est du gras. Il y a beaucoup de choses que de la gélatine, c'est fait de gras d'animal. C'est pour ça qu'il y a certains médicaments. Hein? C'est pas des vitamines. Alors, c'est pour ça que certains médicaments. Excusez-moi une seconde. Certains médicaments, ils ont besoin d'avoir un signe de cache-route. Ah oui? Dans certains médicaments. Si on ne peut pas trouver des médicaments, il n'y a pas d'autre et la personne elle a vraiment besoin de ces médicaments, c'est possible de les prendre, mais il faut le faire dans ça. Il y a des ingrédients, il y a une liste de médicaments aussi. Il y a des une liste de médicaments, etc. Une personne qui mange, regardez, comme ça, on doit attendre 6 heures pour manger des... Après qu'on mange la viande, on doit attendre 6 heures. Selon le Beit Yosef, il y avait certaines communautés... Les Ashkenaz, ils font plus court. Alors, les Ashkenaz, c'est pas tous les Ashkenaz. Ça dépend. Les Ashkenaz qui habitaient en Allemagne, ils attendaient 3 heures. Il y avait aussi une heure, il a raison. Il y avait une coutume, c'était une heure. C'est toujours le cas. Oui. À Amsterdam, c'est 3 heures. Amsterdam. Une heure. Ça veut dire que si j'atterris là-bas et je passe plus qu'une semaine, j'ai fait une heure. Tu sais pas là, toi, tu peux pas. C'est pas grave, ouais, hein? Comment ça se fait? Il y a pas une heure pour moi, 6 heures. C'est la phrase, c'est 6 heures. C'est pourquoi 3 heures des maquis? Ah, je vais vous dire. Nous, on est obligé. On n'a pas le droit de faire 5 heures. Non. Ah, une seconde, 5 heures. Il fait 5 heures. Alors, une seconde. Après 5 heures et 1 minute. Rabbi Ovadia Yosef, il rapporte une chose très intéressante. Il rapporte que si quelqu'un est parti manger, qui a mangé de la viande, et il est parti chez son ami, et son ami a vraiment travaillé très très fort, et ils ont fait des mets laitiers, khalavi, et maintenant il est invité, on lui dit mange. Non, c'est pas qu'il a honte seulement, c'est ils ont fait tu travailles pour lui, etc. Et... la chef de pizza. C'est comme ce soir. Avec la comme ce soir, c'est vrai. Mardi prochain, ne mangez pas la viande. Hein. Mardi prochain, pas de viande. Comme ça, j'achète deux choses de pizza. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit. Rabbi Ovadia, il dit, il y a des autres aussi, Rabbi Yachiv aussi, il rapporte ça. Rabbi Ovadia, il dit que si 5 heures ont passé, et c'est vraiment dans un cas qu'il est vraiment gêné... Ça, ils lui ont fait comme une fête surprise et ils ont fait tout ce travail pour lui et lui il dit mais j'ai mangé de la viande etc. pour pas les embêter. Si c'est au moins 5 heures qu'on peut passer, il peut manger, mais 5 heures au moins, hein. Pas une heure ou quelque chose comme ça. Ah, je vais vous dire, il a demandé de ça. Non, mais parce que le fromage en Hollande est la base de leur nourriture. Je vais vous raconter une autre histoire. Je vais raconter une autre histoire et je vais répondre à la question de ce Bélicha, comme ça vous l'avez aussi demandé. Il y a une autre histoire qui rapporte, c'est comme ça. Le Khatam Sofer, il habitait, je ne sais pas exactement quelle ville il habitait, et lui, il rapportait une halakha très intéressante. Il dit que quand une personne elle va dormir, son système digestif il travaille plus rapide. Plus rapidement. Et il dit, puisque... Alors, s'il a mangé des produits de viande et il est parti dormir, il peut attendre moins de temps. Il peut attendre moins de temps que 6 heures. Alors, regardez, lui, il a écrit ça dans son livre. Il raconte une fois qu'il est parti dormir et il s'est réveillé en faisant un verre de lait et il avait tombé par terre. Et il a dit que c'était un signe, Mina Shamaim, que la halakha, ce n'était pas comme ça. Que ça soit qu'on va dormir, ou c'est pas dormir, c'était 6 heures. Parce qu'il a vu comme signe. Lui, il voulait attendre juste 4 heures parce qu'il est parti dormir pendant 2 heures ou quelque chose comme ça. Il a vu que c'était un signe, puisqu'il a renversé. Maintenant, d'où est-ce que ça vient, toute cette coutume de 1 heure, 3 heures, 6 heures? Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de la Gemara, parce que c'est assez compliqué. Mais la Gemara, elle dit que Mar Ugva, il y a une Gemara dans un Seret Rolin, elle rappelle que Mar Ugva, il attendait mi Seouda le Seouda. D'une Seouda à une autre, il attendait le temps. Maintenant, est-ce que d'une Seouda à l'autre, il y a différentes interprétations? Je vais vous choquer un petit peu. Les Tosfot, ils rapportent qu'une Seouda à Seouda, c'est tout de suite. S'il a mangé de la viande, il se lave les mains et la bouche, il fait à Birkat Amazon et il peut manger des produits laitiers tout de suite sans attendre. C'est une interprétation. Ça veut dire, c'est une interprétation. Comment est-ce qu'on interprète la Gemara de Seouda les Seouda? Quand je dis d'une Seouda à l'autre, quand est-ce que je finis une Seouda? C'est quoi la conclusion de la Seouda? Quand je fais Birkat Amazon, eh ben, de Seouda et Seouda, eux ils ont interprété que c'est tout de suite après Birkat Hamazon. Et pourquoi on doit... Alors, une seconde. Hein? Alors, je vais vous dire. Maintenant, le Rif, Rabbi Yitzhak Elfassi, et le Rambam, c'est les grands poskim sefarad, ils ont dit non, une Souda, c'est un temps. Quand la Gemara, elle a dit de Souda, Souda, c'est pas du... La plupart des gens, ils ne mangent pas une Souda après l'autre. Tu veux manger, tu manges une Souda et c'est fini. Et dans une Souda, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas mélanger de la viande et du lait ensemble. Alors eux, ils interprètent de Souda à Souda, c'est de Souda Tchachrit à Souda Tarvit. C'est du déjeuner jusqu'au dîner, jusqu'au souper. De Souda à Souda, d'une Souda à l'autre. Ça veut dire, environ 6 heures. Ah, mais ça dépend quand on se lève, de quand est-ce qu'on... La plupart du temps, ça va être un peu plus que 6 heures. Mais eux, ils disent de Souda à Souda. De 6 heures du matin. 6 heures du matin. À midi. Ce n'est pas nécessairement le souper du soir, oui. C'est pas nécessairement le souper du soir. Ah ben, c'est ça, alors d'ici. Je viens de vous dire. Les Tosfot, c'est les Ashkenazes. Les Balais à Tosfot, c'était les Français. Les Français. Pas les Français d'aujourd'hui. Les Français de ce temps, c'était les vrais Ashkenazes. L'Ashkenaze. Les pays ashkénazes, c'est quoi? C'est la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Ça, c'est les vrais pays ashkénazes. Tous les enfants, les petits-fils et les gendres de Rachi, ils habitaient en France, en Allemagne, en Angleterre même. Rabbeinu Peretz, qui était un des balais à Tosfot, il habitait en Angleterre. C'était tous des ashkénazes. L'Hongrie, c'est pas Ashkenaz. Quand on parle de territoire Ashkenaz dans l'histoire, démographiquement, c'est pas l'Hongrie. L'Hongrie, c'est beaucoup plus tard. Il n'y avait pas de juifs en Hongrie et en Pologne autant quand il y avait Rachi et tout ça. L'Ashkenaz, c'est l'Allemagne. Ça, c'est le vrai Ashkenaz. Les vrais, vrais Ashkenazes, c'est l'Allemagne, c'est de la France. Alors, écoute, alors, une seconde, je vais répondre à sa question, excusez-moi. Alors, les Ashkenazes, selon le Tosfot, lui, il dit, il faut même pas attendre, rien du tout. Selon les Ashkenazes, la façon qu'ils interprètent la Gemara, ils disent, c'est tout de suite. Alors, il y avait certains qui voulaient dire, non, ok, au moins on va attendre un petit temps, de temps qu'on se lave la bouche, etc. Alors, une heure. Alors, cette coutume, hein, c'était une heure. Ça, c'est Amsterdam. Et après, il y avait certaines coutumes que non, peut-être de Souda et Souda. Alors, ils ne voulaient pas être tellement... Mais quels? Ils ont dit, on va attendre au moins la moitié, qui est 3 heures. Mais selon les séfarades, selon le Rif, le Rambam, etc., il n'y a pas tout ce... Souda, le Souda, c'est 6 heures, selon le Rambam et le Rif. D'où ils ont et le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, il est possède que c'est 6 heures. Mais d'où ils ont sorti ce chiffre 6? Ça prend 6 heures de... Pour digérer. Oui, pourquoi 6 heures? C'est pour la digestion. Pourquoi 6 heures? Oh, pourquoi 6 heures? Oui, c'est vrai, pourquoi 6 heures? Alors 6 heures... Mais pour le laitier avant la viande, tu peux faire, je n'ai pas besoin d'attendre. Hein? Ça dépend, oui. C'est les fromages durs. Bon, alors laitier avant la viande... Pourquoi 6 heures? Ok, alors je vais juste finir, on va passer à ça. 6 heures, le Rambam il rapporte... Le Rashi, excusez-moi, Rashi il rapporte que... Quand on mange de la viande, le goût de la viande il reste dans l'intestin et dans l'œsophage pendant au moins 6 heures. Même que si, excusez-moi, quand quelqu'un fait le rôti par exemple, le goût de la viande se trouve pendant plusieurs heures. Et c'est une estimation de 6 heures. Il y a eu des études oui, que c'est 6 heures. Cliniquement, que celui qui mangeait de la viande, oui. On mangeait après. La viande sécrétait de l'acide très très fort. Ah, wow. Et si ça faisait l'inverse, non. Ok, maintenant, pour répondre à sa question, si on mange de la viande, si on mange du lait, et on veut manger après de la viande.